Je t'ai dit merci, je te suis vraiment reconnaissante pour ton amour dans ma vie, merci. Ces mots viennent du fond de mon cœur. Pour tout, je t'ai dit merci, je te suis vraiment reconnaissante pour ton amour dans ma vie, merci. Ces mots viennent du fond de mon cœur. En retour pour les biens que tu as faits, je vais te faire un vœu. Aimer et servir toute ma vie. Pour t'exprimer ma gratitude. Au-dessus de ces grands merci, j'ajoute ma petite mélodie au son de ma modeste voix. Pour t'exprimer ma gratitude. Quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Et les visages ne se couvrent point de honte. Je voudrais te dire plus que merci pour tes merveilles dans mon être. Rassurer que toute ma vie, ces mots resteront attachés à mes lèvres. Je voudrais te dire plus que merci pour tes merveilles dans mon être. Et te rassurer que toute ma vie, ces mots resteront attachés à mes lèvres. Merci. Comme avec les dix lépreux, seul est revenu te dire merci. Mais voici, Seigneur. Mais voici. Yo, papa. angelo bako pesa yo Wolo palata ye yo papa Ilo basi yo ko merci.